J'aurais pu t'écrire une chanson à la Jack Wolf, le terre brûlé et tout le tintin mort. J'aurais pu t'écrire une chanson à la Bruelle, rancard dans 10 ans sur un quai de gare. J'aurais pu t'écrire une chanson à la Mike Brandt, les yeux humides et mes larmes qui mouillent tes pompes. J'aurais pu t'écrire une chanson à rassurante, toi, moi, l'éternité d'une seconde. Edmond, avec toi, j'aurais pu faire le tour du monde. Edmond, avec toi, j'aurais pu faire le tour du monde. Avec toi, j'aurais pu faire le tour du monde.